vendredi soir, début du weed and ken. Jusque dimanche, je suis OP pour me mettre à l'envers. À base de weed, ouais. Ça c'est la base. Pour l'occasion, j'arrose ça au whisky coca. On n'a pas la vie de rêve, mais il nous en faut peu. Quelques potes, de l'alcool et on fout le feu. De la bonne zik, un peu de verre, une bonne ambiance. Au bout de trois tailles, y'en a qui dorment sur le divan. Y'en a qui dégueulent au bord du coma éthylique. Mais t'inquiète pas, ils reviendront en forme olympique. On a l'habitude, entre pure caille, trou de boulette sur le vêture, v'là la signature. Oh merde, on est que vendredi après minuit. J'ai 4 grammes dans le sang et 2 grammes dans l'OCB Slim. Bon, j'te l'avoue, j'suis fire. Pour les rescapés, rendez-vous samedi soir. On a rage et net cas, des beugras de bonne weed. On sort des timbales et la discarde. Chez nous le week-end, c'est toujours weed and ken. On a abusé bonne chose, est-ce un délit? J'ai pas lu ça dans un livre. Ce soir je suis Yves, car chez nous le week-end, c'est toujours weed and ken. Ce soir on remet ça, c'est la fiesta. Faut pas que ça parte en rodéo, en forte fiesta. Au checks, on se chauffe à la vodka. Car une fois chaud, un mec de ma clique en vaut 3. Il est 23h30, direction le centre-ville. Avec des canettes à la main pour pas rester le ventre vide. Sur la route, ça tease, bédaf, stab, débarque. Il est minuit et on est tous en mode pause kebab. On se pose dans des coins sombres, tranquille. On ouvre nos sacs à dos, on sort des bières et on les torpille. Tant pis si on dérange le voisinage. On n'est pas là pour foutre la merde, faut pas se fier à nos visages. La soirée passe trop vite, truc de fou. On rentre chez nous, c'est déjà l'heure de téléfoot. Le weed and ken est fini, v'là les séquelles. Le lundi tout ken au taf, putain vivement ce week-end. On a rage et net cas, des beugras de bonne weed. On sort des timbales et la discarde. Chez nous le week-end, c'est toujours weed and ken. On a abusé bonne chose, est-ce un délit? J'ai pas lu ça dans un livre. Ce soir je suis Yves, car chez nous le week-end, c'est toujours weed and ken. T'as du papier? T'as du tosma? Rien qu'avec l'odeur de ta bœuf, je suis déjà défoncé.